tu l'as découvert sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime. C'est Alonso Papé. Planète Rap. Let's go. Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec Alonso. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Skyrock. Planète Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le dernier Planète Rap de la semaine entre 20h et 21h avec Alonso et l'album Règlement de compte à découvrir encore ce soir entre 20 et 21. Spike Miller est là. Ah, on t'entend pas, Spike. Comme d'hab, on est là. Ça va? Ça va et toi? La seule question, c'est que j'ai perdu Alonso. Alonso, je crois, Difool, il l'a. Mais non, il est pas là encore. Il l'a bloqué dans les couloirs. Bon, on va essayer de le retrouver. Ouais, ça doit être ça alors. Parce que je voulais qu'il. Ah bah le voilà, Alonso. Ah oui, en plus, tranquillement, hein, t'arrives. Ouh, c'est la fin de semaine là. Oh. Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé, on y va. Ça va, go. On est en train de discuter avec Spike parce que je voulais que tu annonces. Bonsoir quand même... tout le monde. Bonsoir, bienvenue, ça va en pleine forme? Très très bien. Je voulais que tu annonces les invités ce soir. C'est même plus que des invités. C'est même pas des invités. C'est pas des invités, c'est le sang. C'est le sang même, voilà, qui est là. Psychiatre de la rime. Les psychiatres avec Monsieur Soprano, avec Vincenzo, plutôt l'oncle Phil. Hein, on sait plus trop en ce moment. Hein. L'ingénieur. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Impeccable. Bon, est-ce que vous êtes fiers du frangin, j'ai envie de dire, de la famille? Ah, depuis toujours. Ouais. De cet depuis album Règlement de compte. Très bien. Depuis très, toujours, très bon. on est là, on était là quand ils étaient en train de travailler le disque, on était là quand... Derrière le rideau, là. Voilà, tout ça derrière comme d'habitude. Il passait souvent d'ailleurs à Londres ou pas, que ce soit Sopra, Vince ou même ensemble, d'ailleurs il passait souvent pendant l'enregistrement de l'album. Ouais, mais en fait on enregistre dans les mêmes locaux. Ah oui, donc c'est un peu plus simple. Pour les gens voilà, qui sont pas au courant de comment ça se passe, on a les mêmes managers, on a les mêmes locaux, on a la même équipe. Voilà, on mange le dimanche ou les fêtes de famille ou les fêtes religieuses ensemble. Ensemble. Donc voilà, il y a des fois c'était une semaine, Sopra il a enregistré son disque, une fois c'était une semaine, c'était moi. Voilà quoi. Et on va saluer quand même le psychiatre manquant. Sia Style. J'espère est à l'écoute. On lui fait une grosse dédicace. Il doit nous écouter tranquillement, bien au chaud. Il fait quoi là, Sia? À moi, terrasse café. Okay. Il est là, terrasse café, prépare ses projets. Il n'y a pas de neige à Marseille, il faisait pas de neige parce que là, j'ai vu des messages arriver des gens qui sont un peu bloqués aussi sur les routes. Il y a un peu de la neige qui est en train de tomber un petit peu. Bah, dites-nous ce que vous faites. Envoyez des messages avec le hashtag Alonso sur Skyrock. C'est la dernière de cette grosse semaine avec toi, Alonso. On va évidemment parler du futur ce soir, hein, de ce qui va se passer, mais avant tout, c'est la tournée qui va pas tarder à partir. Exactement. En plus, il y a une belle tournée, une vingtaine de dates. On part à Nantes à partir du 13 février. On passe par Pontoise, Neuchâtel, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier, Savigny-le-Temple, Sénon. Il y a Lyon le 22 avril. Il y a Paris le 23 avril à la Cigale. Il y a aussi le festival de printemps de Bourges, Toulouse, Incourt. Il y a Lille, Rennes, Le Havre et on finit en beauté, si Dieu veut, à Marseille. Le Dôme, c'est le 6 juin. Yeah! D'ailleurs, vous allez vous croiser sur les routes parce que toi aussi, Sopra, tu reprends là. Hein. Alors, c'est parti là. Hein. Quand il est à la Cigale, un jour après, je suis à Strasbourg. Donc, je vais faire un saut à la Cigale et revenir à Strasbourg. Jet privé. Voilà, à un moment donné. Wow, le M-catch, quel M-catch. Attends, à un moment donné. Wow, quel M-catch. Et lui, je crois que quand moi je suis au Dôme, il est une ville avant, on va se croiser. Et oncle Phil est en tournée aussi. Hein, dans tous les clubs, et l'homme catch avec Carlton. Est-ce qu'il paraît que les soirées sont incroyables hein. Moi j'ai vu quelques vidéos, je crois que c'est assez hallucinant. Ouais, c'est doux. Et ils font des concours de danse et tout. C'est doux. Je pourrais peut-être participer d'ailleurs, puisque j'ai un sacré pas de danse à la Carlton. Toi, tu as fait un strip. C'est quoi? J'ai vu des phénomènes. J'ai vu des phénomènes. Donc, waouh. En plus, souvent dans les clubs, c'est là où je me lâche le plus. C'est vrai. Sur une certaine heure, l'animal est sorti. Il y a des magnums à gagner en plus à chaque fois. Et bah, prochaine de. Tu viens pas là, dans le coin? Non? T'es plutôt dans le sud en ce moment là. T'as vu, il a entendu magnum, Fred. On fait le loft direct. On fait le loft, je crois, bientôt. C'est comment? On fait le loft, je crois. D'accord, bah écoute. Pour le loft? Bah, je sais pas, je te dirai. Et ça fait plaisir de vous avoir. Je sais pas si vous avez écouté toute la semaine avec Alonso. Hier, yeah, on a ça. Ouais. J'étais sur la route, j'étais dans les taxis quand j'écoutais les Planète Rap. Et vous avez peut-être loupé des trucs. On va se remémorer rapidement le replay de la semaine d'Alonso. Ça donnait ça. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. T'es arrivé, tu m'as dit, moi, ça y est, je suis chaud, je veux kicker d'entrée de jeu. Ouais. Allez, hop, d'entrée de jeu. Voilà, je fais beaucoup de showcase, donc on va rentrer dans ce Planète Rap en mode showcase. Course poursuite, j'ai pris une cuite, nerveuse conduite, je me tue la santé. Je suis avec Meug, Kerim et Spike, j'envoie des rafales, je vais les faire ramper. Quartier Nord, gourmet en or, la chaîne en or, la sacoche est élevée. Torse nu, je marche dans la rue, c'est pas que dans les clips, il fait 40 degrés. Ensorcelé, je rappe à folie, possession.

Ouais, mais non, mais il est pas fiable, il est pas fiable. Donc, j'espère ne pas craquer avant 21h et balancer quelques noms. Ne dis rien. Je sais pas pourquoi vous m'inspirez, à chaque fois j'ai envie de tellement dire de choses. Quand on est des condés, tu ne balances. C'est ça. Bon, entre 20 et 21, le Planet Rap, on va débuter tout de suite. Ah, est-ce que je peux dédicacer, excuse-moi, Alonso, je vais te prendre deux secondes aussi parce que j'ai reçu un message. C'est des gens qui aiment bien Alonso. Qui adorent Alonso et qui sont en train de t'écouter, qui sont un peu enfermés en ce moment. On prendra la minute sur Cool, hein, voilà. Et je voulais leur dédicacer l'émission en particulier à Sylvain du Détroit, qui lui dédicace à sa sista Isa, à son frérot Grégo, une spéciale SM Boy, Grosso, Chico et Le Flo, la RDB Anno, Feko Dink, Zababa et Pinko, Big Up Léo Dorto, Gigi Sauvage, Machfro, Jaco et Chameau, RDB tu le sais, Rabi et Flo du 06 Fils, Magic Malik du 18e, le B d'Épinay, toi-même tu sais, à Nasmé l'Animal, aïe aïe aïe, à Nano, à Amon, à Ange, Gabriel la plus belle, à Alexandra et Alpha Diallo, big dédicace à Nono et Fredo. Ils écoutent la radio. Peace à Alain Montargis et love à tous les Charlies. C'est la bonne bébé Sylvain, son team qu'on salue. Dédicace à vous tous les potos. Santé, santé. C'est original, ça. Fred qui te demande s'il peut passer des dédicaces. C'est génial. Dédicace venue de l'ombre. C'est pas mal. Quelle crédibilité. Elles sont arrivées sur mon Street Cred. Sur mon pas, oui, c'est ça. Mais c'est pour les Street Cred. Street Cred. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec un morceau à Londres? Ouais, même tarif. Histoire même tarif. D'entrer le fige. Est-ce que je peux demander, par exemple, à Oncle Phil d'introduire ce morceau Mais je suis l'ingénieur. Ça ne paraît pas possible. Merci, c'est pas possible. Merci. Alors, on balance l'intro. Allez, c'est parti. Oncle Phil prend le contrôle et nous annonce le morceau maintenant. Le morceau Même Tarif, c'est extrait de l'album Règlement de compte d'Alonso. On y va ? Hey ! 1-2-1-2 ! L'album c'est RDC. Le man, le MZ, c'est Alonso. Yeah ! Que tu veux, que tu sois en tôle, que tu sois dans le quartier, dans la caisse, dans la maison, c'est le même tarif. Yeah ! Skyrock, est-ce que MZ sont là ce soir ? Yeah ! C'est le même tarif ! RDC ! Pas tu dépenses, rafale, machine à sous, des mecs sous écrou, tu m'irrites tout, tu nous regardes mal, cocaïne dans le naseau, mérite, trop de hashish dans les réseaux, guetteur, téléphone big, tu m'appelles le Dimpix, tu vas cramer la salope qui t'héberge en deux heures, pas de moi en commo, t'es les pimpons, pas fan coulo, t'es les pimpons, sacoche, piston, piston, chichon, canon, codo, t'es les pimpons, pousse-team donc je peux grec cachet, je prends tout euro, dollar, chicken, 15 ans grave sans piste de diesel, et 15 ans je savais que j'allais tout baiser, et j'aime la couleur de ma tenelle, Christian Dior ou Chanel, je suis tellement parti que la marque sponsorise toutes mes femelles. Cartel, parlo, fais vite avec Basel. J'brille sous ce grand échafaudage que vous appelez la tour Eiffel. Voiture voilée en Italie, Fiorano, plus de Pirelli. Et avant de fusiller, laisse-moi finir mes fusils. Raquette, braquage, vol, prison, crée, c'est le même tarif. Comment, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Francis, Balance, Maurice, ouais, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pop, tu clash, c'est le même tarif. C'est le même tarif, le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif. Hermès, t'as pas dosé, l'air de te faire yesh. J'ai l'arme chimique avec la cervelle d'un CRS. J'suis dans un 12 étoiles à Marrakech. J'suis cargo chinois, t'es canard pêche. J'suis dans les hautes herbes des hautes sphères. Rendez-vous dans quelques mansions, 20 ou 30 caisses. Ils veulent mon trône, rien ne m'en empêche. Sa mère être une école, paye-moi en espèces. Ils veulent mon trône, un nom empêche. Leur faire un cul en hexagone, Sénégal, Côte Ouest. Raquette, braquage, vol, prison, crée, c'est le même tarif. Comment, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. C'est quoi? Client, grossiste, balance, nourrice, ouais, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pop, tu clash, c'est le même tarif. C'est le même tarif, le même tarif. Tu l'as pris sur eBay. Tu m'en fous de vendre, le but c'est de tous les enterrer. Tu fais le potago, c'est une atrocité. Tu fais le potago, c'est une calamité. Une calamité. Ne commence pas une guerre si t'es pas sûr de la gagner. Comme toi, Egon, c'est une kerbar qui te fera tomber. C'est sûr. Pour t'oublier, attends, je passe un coup de fil. L'attachement c'est pour les fragiles. Raquette, braquage, vol, prison, crise, c'est le même tarif. Tout le monde. Comore, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Bilan, Francis, Balance, Maurice, Poisson, c'est le même tarif. Rappeur, tu pars. Attention, c'est le même tarif. C'est le même tarif. C'est le même tarif. C'est le même tarif. C'est extra de règlement de compte à l'instant, yeah. Alonso et Booba pour yeah. Même tarif ambiancé par l'oncle Phil qui est là, qui va ambiancer d'ailleurs tous les morceaux. Hein, ouais, Allez, même tous les morceaux, on n'est pas ce soir. Ce soir, c'est cadeau. C'est oncle Phil qui ambiance le planète Rap d'Alonso. Pour le petit frère, c'est toujours cadeau, Zin. C'est toujours cadeau. Bon, est-ce qu'il vous a d'ailleurs surpris avec cet album, le Frangin, ou pas? Est-ce que Sopra ou Vincenzo, il a mis la barre encore plus haute? Alors, je t'explique. Un jour, il m'appelle, il me fait viens au studio. J'ai un morceau à te faire écouter et je me fais écouter La Belle Ville de Zin. Alors je t'explique, à ce moment précis, je l'ai regardé, j'ai fait quoi? Non, t'as vraiment fait quoi? En comorien, ça veut dire waouh. J'ai dit là, tu as fait le plus gros morceau de ta life, La Belle Ville de Zin. Et après, je suis alors que c'était le début. C'était le début. En fait, ouais, ils faisaient les morceaux. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans le travail qu'ils ont fait avec Spike, c'est que les mecs, en fait, ils étaient en mode on fait tout, on sent qu'est-ce qui se passe maintenant et on travaille comme ça se passe. Et ils envoyaient les morceaux là, au hasard, freestyle, ils faisaient tout à l'instinct parce qu'ils s'amusaient. Ils clippaient, ouais, ils mettaient des voilà. images. Et il y avait une ambiance au studio. Ça veut dire là, on envoie le morceau. Ouais, là, il faut pas l'envoyer, on attend. On va le clipper, vas-y, on l'envoie. Ils ont tout fait à l'instinct et tu le sens sur l'album, tu vois. Donc, c'était un super travail. Super. On a essayé travail. Vraiment de se faire plaisir. Ouais. Et ça se ressent sur l'album Règlement de compte. En plus, ils sont bien coiffés par un mec qui est derrière. Ah. Donc, tu vois, à un moment donné, les clips sont magnifiques. Une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Qui est là avec nous. Fab Barbershop. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Non, ouais. Le mec est dans le clip avec la c'est coupe. Pas lui. C'est pas Fab lui. Qui l'a coupé. Sinon, il aurait pas coupé comme ça. T'inquiète. Donc, j'ai fait une grosse efficace. Il est là. La coiffure gratuite. Fab, il a fait un truc de fou. Je crois que c'est le mardi. Les 10 premiers clients qui sont venus dans son salon. C'est où d'ailleurs le salon? C'est à Marseille. Viens donner la rue. Donne l'adresse, donne tout. Donne la rue. Bonsoir. Donc, bonsoir. Ça, c'est le vrai Fab. Ça, c'est Fab. Ça, c'est le vrai, c'est l'officiel. Ça passe. Le meilleur coiffeur de France. Ça passe. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ça passe. Europe plus. Par contre, demain, merde, le salon est fermé, non? Demain, non. T'es fou, toi. Il y a des gens. Il y a le bleu, t'inquiète pas. Hé, je donne une anecdote. Le mec, je l'appelle, je dis, je vais venir couper moi et mon fils et tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ok. Mais par contre, ça ouvre à 10h, viens à 9h30. J'ai fait pourquoi? C'est la CAF, mon frère, il y a la queue. Wow. Donc c'est où alors? Où est-ce qu'on peut trouver ce fameux et maintenant mondialement connu barbershop? Dans le centre-ville, 83 rue du Progrès. C'est bon, vous avez l'adresse. Mais on va déménager dans pas longtemps, dans quelques mois. On va donne la deuxième. Restez connectés, trop petit. Attends, je vais te donner la nouvelle adresse. C'est déjà rue, ouais, oui. 8 rue Jean Trinquet, dans le deuxième à Marseille. Voilà. À partir de quand ça? À partir 100 mètres carrés. Voilà, au mois de mai, normalement c'est bouclé. Ça passe. Comment t'es dit? Au mois de mai, normalement. Ah, au mois de mai, donc là on a le temps d'aller. Fab Barbershop 2.0, voilà. C'est ça même. Il arrive même à vous coiffer sur internet. Le mec est tellement en avance. Voilà, pour les gens qui demandaient d'où viennent les clairs sur la tête d'Alonso. Voilà, la main, elle est là. La main, là. Il y en a, ils vont chez lui juste pour avoir le trait d'Alonso. Ça, c'est vrai, ça. Et on peut le voir, ceux qui ont les images, hein, sur Skyrock FM. Momo, fais-nous. Caméra 2. C'est partout. C'est d'or déjà. Fais-nous un plan. C'est quoi? Pour tous les gens qui ont. De partout, j'y vais. En plus, j'envoie des traits comme ça. Donc, merci. Mais bon, le véritable trait, il est fait par Fab. Et il est là ce soir avec nous. C'est pas des éclairs qu'ils ont sur la tête, c'est des fleuves. Le planète rap avec Alonso et tous vos messages aussi. Allez-y, vous balancez avec le hashtag Alonso sur Skyrock. Alonso, qu'est-ce qu'on met comme morceau? On va mettre dans son sac, j'ai envie de danser un peu. Je rappelle que le clip arrive bientôt. Exactement. Et qu'il y aura dans le clip. Dis rien. Alonso. Voilà, déjà, ça serait bien. Voilà, dans son sac. Allez, parce qu'il y a du monde, on va un peu bouger. C'est parti. Yeah, dans ton fucking sac. Yeah, faux, fake, ouvrez, remplis-le. Tu voulais des lovers, tu voulais à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et l'Occident. Mais la, c'est la confusion. profusion. La la la la la. T'as fini dans son sac. Sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. Pour moi t'étais un chapitre. Et pour toi, moi, j'étais un livre. Je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA. Tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un cisdro. Je ne regarde pas les prix, mais les logos. Trop chaud. Je vois que tu fais la belle, que tu calcules pas, mais à la fin, tu veux mon bigot. Elle me dit je t'aime, je lui réponds je t'aime bien. Si l'amour est aveugle, on va tout droit dans un ravin. À la tombée de la nuit, je tiens plus en place. À la tombée de tes seins, je vois que le temps passe. Tu voulais okay. Des lovers. Tu voulais quoi? À profusion. Tu voulais les femmes. Moi aussi. L'Afrique et l'Occident. Mais la la la la la. Tout le monde. C'est la confusion. La la la la la. T'as fini dans RDC, son RDC. Sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son. C'est pas parce que je porte une montre que j'ai le temps. J'ai liké ta photo, t'as fait une capture d'écran. Faut que tu redescendes en vitesse, en maillot de pièce. J'ai l'impression de voir un éléphant. Fais ce que ça dit au plan d'Ao. Paraît que la gadi d'Alonso c'est une vraie Bagdad. Et toi t'es piqué par une fake. Tu l'as jamais vu, tu lui fais des chèques. Tu vois que je réponds pas, pourquoi tu insistes. Forceuse qui traîne dans les loges des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Tiens prends le numéro de mon dentiste. Ah voilà, tu es méchant. Mal élevé, voilà. Mais c'est comme Sopra, putain. La la la la la. Je suis mauvais. La la la la la. T'as fini dans son. Tout le monde. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans bébé. Yeah. Alonso. Chaque week-end, certains clubs, certaines salles. C'est comme un Chanel. Tu le rentres dans ton sac, t'inquiète pas. Ah. Oncle Phil, la jaillir de ces dames. Remets-nous du bon son. Et aussi des glaçons, t'inquiète. Jeffrey, chaque week-end, remets-le dans son sac. Ticatra, dis-le. Sia, Sia. Ouais. Dans son sac avec le clip qui arrive bientôt, les images bientôt. Et c'est le ça. Son déjà dans l'album Règlement de Compte qu'on peut trouver un peu partout. Album qui fait un véritable carton. Ça yes. Se passe bien. Ça se passe très bien, ça fait plaisir. Continuez à être là. Hein. Continuez, c'est il pas reste fini. Hein. Le week-end. Tout le week-end. Il faut péter le score. Avec Alonso ce soir, avec les psychiatres qui sont là aussi. C'est ça. Sur Skyrock, comme c'est la dernière ce soir, Alonso, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter, que tu as envie d'ajouter autour de cet album qu'on n'a pas dit durant cette semaine? Ouais, je pense qu'on a tout dit. On a joué pratiquement tous les morceaux. Je pense qu'il y en a un qu'on va jouer ce soir. C'est le dernier, il le fallait. Il fait partie des premiers titres que j'ai enregistrés et que j'aime beaucoup. Lui aussi, il est dans mon top 5, t'as vu? Dans mon top 5, il y en a 15, il y a beaucoup d'ex aequo, hein, j'ai compris. Ouais. Il y a que des morceaux ex aequo, en fait. Mais je pense qu'on a tout dit, hein. À part que voilà, le soutien, c'est important. Qu'on part en tournée, qu'on a hâte de présenter ce disque sur scène, voilà, qu'il y a des dates super importantes, notamment celle de Marseille au Dôme. Le 6 voilà, juin. Le 6 juin. Donc le Dôme à Marseille, loupez pas le 6 juin. Spike, comme toi aussi, hein, t'es le binôme sur cet album. T'as été très important, on l'a dit cette semaine. Quel charisme. Toi, Oh là là. Particulièrement ce soir, je sais comment on l'appelle maintenant. Merci. Comment? P. Didi. Eh oui. Oh là là là là là. C'est ça. Ouais, mais regarde. L'attitude. On lui parle. T'as vu l'attitude? Il bouge pas. Il est là, il est en train de légèrement caresser cette barbe qui est taillée pareil à souhait. Capitaine. Tout va bien. Spike, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, toi, par exemple, autour de cet album? Je suis très fier du travail qu'on a effectué. Les retours sont super bons. Et je pense qu'on a fait une mise à jour du rap français. Sérieux. Avec toute l'humilité que l'on connaît de Spike. Mais sérieux. Je veux dire, un morceau comme La Belle Vie, on en a pas entendu, tu vois. des morceaux avec des instrus super épurés. Tu vois, on se prenait pas la tête. Il y a rien à faire. Un des morceaux dont je suis le plus fier. Voilà, le morceau, on l'a fait. On se dit, on va rajouter des grosses caisses plus tard. On kiffait, tout le monde kiffait. Il est sorti comme ça. Les MCs ont kiffé, ils ont fait des remixes. On dit, voilà, c'est un son carry. Donc voilà, c'est ça, on a. Ah, tu me c'est un rap voilà, français 2.0 grâce à RDC. Quelle attitude, quelle classe. Ah, quelle... je l'aime. Ah, il est magnifique. Capitaine. Spike, un petit sourire. Un petit sourire, capital. Ah, il a un beau sourire. Ah, Spike, il a... voilà. Dentifrice signal. Dans un instant, bougez pas à Londres, qu'est-ce qu'on met après la pub? Il y a du monde, le morceau en boucle, il fait l'unanimité. Exactement. Carré VIP, c'est la folie. On verra, je vais demander, je vais me retourner. Tu vas réfléchir. On va réfléchir. On a un petit peu du feed. Et on va revenir dans un instant, ne bougez pas, avec Alonso et l'album Règlement de compte. Abdou. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Papé. Pour une heure d'exclus et de total direct, c'est maintenant Skyrock. Avec Alonso, notre invité toute la semaine, entre 20 et 21, règlement de compte. Psychiatres sont aussi là ce soir entre 20 et 21. En violent et en direct, Fred. Et vous en doutez aussi, les psychiatres, la question que je vais vous poser, c'est quand le prochain album? Normalement, c'est monsieur Sia Style qui donne les dates. Comme Sia n'est pas là, c'est lui qui donne les dates. Sia, si tu as l'écoute, envoie-moi un message rapidement pour me donner une date. Non, comme je dis souvent, tu sais, dans les interviews, nous, on est des frères, tu vois, avant même de faire partie du même groupe. Et on a fait 4 albums ensemble, on a fait des tournées dans le monde entier, grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu vois, on a la chance de faire des albums solo et des albums de groupe. Je pense qu'il faut créer un petit engouement. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Mes frérots, faut créer un petit engouement. On se voit souvent, on a les mêmes équipes. Faut laisser du temps au temps, faut une attente, tu vois. Cette année, ça fait 20 ans que le groupe, on a fondé le groupe, tu vois. Wow. Et notre premier disque, il est sorti en 2002, on est encore là, on a traversé le temps. Il y a beaucoup de groupes qu'aujourd'hui, on n'entend plus, tu vois, et c'est bien, tu vois. Donc pourquoi pas, Inch'Allah, dans les années à venir, essayer de fêter ça au stade Vélodrome, ça serait bien. C'est pas tout de suite. Le prochain album s'appellera alors Grand Cru. Exclu l'album, ça s'appellera Grand Cru. Waouh, c'est en train de se taper. Et Sopra, bon, Sopra en tournée, on le sait, l'album pareil, Cosmopolitanie qui se passe super bien. Merci, ça se passe super bien. Vince, qu'est-ce qu'il y a dans les mois qui viennent, à part les grandes soirées avec Oncle Phil? On est en studio, ça prépare des petits trucs. Mais calmement. Tranquille. Sans Fidjo, ça prépare des petits trucs. Mais en ce moment, on est en mode Oncle Phil, quoi. Mais c'est quand d'ailleurs la prochaine soirée Oncle Phil? C'est demain à Brest. Demain, Brest. La boîte le 29. Et bah, tous, direction Brest, ça va danser à la Carlton là-bas. Ça va danser à la Carlton, sévèrement. Et bah, n'hésitez pas. Demain soir, grosse soirée pour bien se détendre. Yes, au club le 29. Aïe. Alors, on avait dit avant la pub qu'il fallait choisir un morceau. Est-ce que le choix est fait et arrêté? Ouais, on est en bombe, donc on va passer. Ah, ma chanson. Ça, c'est ma chanson, ça. On va passer en bombe. Je fais une dédicace aussi à une chanteuse qui s'appelle Clémence. C'est elle qui m'accompagne au niveau des chœurs sur l'outro, sur le petit pont qui est à la fin. D'ailleurs, elle est avec nous. Là, elle doit être dans la foule. Noyée dans la foule. Voilà, petite dédicace à Clémence Itolja. Voilà, c'est son nom de scène. On envoie en bombe de suite. Attends, Oncle Phil. Oui, c'est lui qui présente. C'est lui qui ambiance. Hey, fais-nous rêver. Yeah. I told you, nigga. RDC in the store now. Yeah, RDC en bombe. On est en fucking bombe, nigga. T'entends? Yeah. Oh, même Tupac, il aurait aimé rapper dessus. Rap comme si j'allais mourir. La rue m'a validé, tes rappeurs préférés. Voilà, je vais les aligner. Y'a pas de thème, que ta hagra gratuite. Tout le monde s'en bat les couilles de ton album normal qui est pas cuit. Allons-y, rien que ça tweet. Tu cherches ta joint après le showcase, elle est dans ma suite. J'suis en bombe, qui va me stopper cette année? Qui? J'suis en bombe, continue de pédaler. What? Ramenez-moi le plat de concurrence, que je le graille. Ça manque de goût, rajoute la sauce rougaille. Nigga. Ton mec fait du MMA, on s'en bat les reins. Là je sais où je vais, mais surtout tu sais d'où je viens. Quartier Nord, nos limites. Wesh gros, dis-moi pourquoi tu nous imites. Tu rentres chez nous avec un casque intégral. T'es suspect, lève-moi vite ça. Ils y croyaient pas, aujourd'hui je les rafale. Toujours sûr de moi, comme sous les mains au tribunal. Tu le suis au samedi soir. J'suis en bon. Me pousse pas à faire une technique. J'suis en bon. Wesh, ça dit quoi? J'suis en bon. Bois ton chicha. J'suis en bon. Elle a sorti les 10 michous. Wow. J'suis en bon. Wow. Trop speed, wow. J'suis en bon. Dis-moi qu'est-ce que t'as. J'suis en Espagne, Loré Delmar. On aime les couleurs du pays à Neymar. Ouais. J'ai du buzz, oui je pèse, les jaloux se manifestent. Entre Zé, on prend tout, on vous laisse même pas les restes. J'ai un bolide, ouais, dégâts solides, ouais. J'suis en roulis, ouais. C'est la folie. Ouais. Ma détermination fait peur de Mars à Paris. Combien va vendre à Londres la première semaine? Prends les paris, j'ai l'âge à ta mère. J'suis encore en bombe. À l'âge de ton père, j'suis toujours en bombe. Dis qu'en futurie, j'leur fais du sale presque. J'en ai honte. J'suis interdit de les approcher à des kilomètres à la ronde. Dans l'espace, grosse glace, grosse tasse, Versace. C'est la base. Le boutin sur la banquette. C'est la base. Ils y croyaient pas. Ça passe. Toujours sûr de moi, comme sous les mains au tribunal. Du lundi au samedi soir. J'suis en bon. Me pousse pas à faire une dinguerie. J'suis en bon. Wesh, ça dit quoi? J'suis en bon. Bois ton chicha. J'suis en bon. Elle a sorti les 10 michous. Wow. J'suis en bon. Trop speed, wow. J'suis en bon. Et puis tous les salons, calme-toi, les blesses pas. Ils t'ont le dieu. Un peu trop farine. La maison. En bon. Tous les salons, calme-toi, les blesses pas. Qui va un peu trop farine. On va les blesser, pas. Voilà. En bon. J'suis blanc, de la bouche. En bon. Tous les salons, calme-toi, les blesses pas. RDC dans les bancs. Un peu trop farine, mon caisse pas. T'es en bon. J'suis en bon. Je suis en bon. Olivier, She Dance, URH, T-Max. Aïe. En bombe à l'instant, c'est extrait de l'album Règlement de compte qui est dans les bacs. L'album d'Alonso avec nous encore ce soir pendant quelques minutes. Yeah. Exactement. Dans ce Planète Rap avec les psychiatres qui nous ont rejoints, avec Spike Miller qui est là toujours posé. Aïe. Charismatique. Nous ramène des cadeaux, New Designers. Ah ouais, le mec a des sacs plaisir. De. Ouais, New Designers, merci beaucoup, ils nous ont ramené des cadeaux. Hey, Skyrock, y a du monde ou pas? Ouais. Putain, mais arrêtez, même les petits font plus de bruit. Y a du monde ou pas? On est en bombe. Et je vous présente Jalal de Limoges. Salut Jalal. Salut. T'es en bombe aussi toi Jalal? Toujours. Bienvenue dans le Planète Rap avec Alonso. Toujours, merci. Tu es prêt à rapper? Ouais, prêt. Et tu repars aussi avec Chicha Électronique ce soir pour le dernier freestyler de la semaine. C'est ok, parfait. Et bah c'est parti, on t'écoute rapper Jalal. Waouh. Ok. Yeah, hey, ne doute pas de mon talent. J'suis jeune, beau, doux et galant. Tu peux brailler, ça m'est égal. Et si j'arrête, ça ne sera pas long. J'ai récolté mes galons. Fidèle à mon équipe, et oui, mon soutien, mes galons. Si vous êtes, on s'en bat les couilles. J'ai déjà mon équipe, personne ne t'écoute. Même si tu mets des bonnes meufs dans tes clips. Jalal, cuit trois fois mon nom, j'apparais. Meilleur que vous tous, y paraît. Vos concerts, c'est des cabarets. Si t'es mauvais, ne me parle rap. Gamin, tu connais pas le rap. Pour marquer l'histoire, il suffit pas d'avoir une bonne frappe. Chialer comme des petites putes, les gars, réglez vos. J'écris matin, midi, soir, les gars, je ne rappe plus, je discute. Faut que la méthode discrète, dès qu'on arrive, on parle fort. Les gars sont en pleine forme, on raconte qui compère fort. Bien entouré, pas de commis, t'as jamais rien fait, rien commis. J'ai des litres de talent, ton équipe enchaîne les demi. Faut que la méthode discrète, dès qu'on arrive, on parle fort. Les gars sont en pleine forme, on raconte qui compère fort. Bien entouré, pas de commis, t'as jamais rien fait, rien commis. J'ai des litres de talent, ton équipe enchaîne les demi. Le son qui a été donné, le son des psychiatres. Hey, ouais, là, c'est tout, ouais. Hey, t'as cassé ça, toi. Wow, bah. Bravo, big up. Ah, man. Merci. Comme dirait Vince, mamma mia. Là, je vais t'arrêter. Oh, je pense que c'est lui qui dit ça. Je vais t'arrêter maintenant. Ah, merci. Tu dis ça, mamma mia. Ah. C'est lui. Ah, c'est lui. Non, franchement, t'as tué, frérot. Hein. Bien, frérot. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jalal? Vas-y, balance les adresses. On peut me retrouver sur YouTube. Sur YouTube, Jalal, j'ai un clip qui s'appelle Amstram Gram. Pique et pique. Ouais, c'est ça, Amstramgram, donc j'ai un clip. Sinon sur Twitter, Jalal Musique. Musique M-U-S-I-C. Ok, merci à toi Jalal. Voilà les gars, je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Voilà, je veux juste faire un gros big up à Alonso de la part de Flo de Limoges. C'est son supporter numéro 1 de Limoges. Il m'a dit de lui faire une grosse dédicace, donc voilà. Fais-y une grosse dédicace, Jizzy. Merci beaucoup pour tout le soutien et pour tout Limoges. Voilà, ben merci beaucoup Alonso. Et puis on soutient, on a acheté l'album et puis voilà. Gracias, merci beaucoup. Merci à toi Jalal. Merci Fred. Passez une bonne soirée. On va se replonger d'ailleurs sur cet album qui est dispo dès maintenant, hein, puisqu'il est sorti lundi. Ouais. Il nous reste combien de titres à jouer? Un, deux, oh, six, six. On peut pousser deux, après ça dépend s'il dit full un coulet de bière ou pas. Un minimum. D'accord. D'accord. Moi je regarde les messages depuis tout à l'heure, on me dit comment Alonso, mais Fumbuni, wesh. Ah oui, on wesh. Demande beaucoup Fumbuni. On me dit Fumbuni, wesh. Fumbuni, à un moment donné, c'est mon village. Bah ouais, on va rappeler pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, c'est ton village au Comor. Voilà, on a fait d'ailleurs un clip au Comor. Mmh. Tu vas parler, les gens ils peuvent aller le mater sur le net. Je te demande pourquoi, combien il y a de titres à jouer, parce que je veux vraiment passer Il Fallait, qui fait partie de mes chouchous. C'est bon, pour l'instant on a le temps, t'inquiète pas. On a le temps, donc on va, je pense qu'on va écouter Fumbuni, c'est la une, c'est l'intro. C'est voilà. C'est celui qui ouvre le bal. Et je veux Oncle Phil, bien sûr. Ouais, pour ambiancer et pour tous les Comores. Voilà, Oncle Phil. Exactement. Let's go. Comment rien nouveau. Yeah. Hangani dokaya, marhaba menji. Watukufu wangazija. Mafaransa yangazija. Marhaba. Yensia. Yafumbuni. Le. Rito amna jimbo. Fumbuni. Rito amna sede. Ceux qui supportent dans les bacs, en concert. Grosse dédicace à tous ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. ALON, roule Nam Karibu. RDC dans les bacs, c'est le règlement de compte du rap français. Fumbuni est un honneur. Ça arrive, capo des capes. Mabe, Komori, Fumbuni gang. Bono, témoin, mon gars du sud. Mon dédicace au gars du sud. La poste. Oufou. M-A-R-S. M-A-R-S. 1-3, mamé. Dealer. Yeah. T-R-E-I-Z-E. Voilà le morceau qui ouvre l'album. Alors j'ai pas tout compris en Comorien ce que tu as dit pour ambiancer Oncle Phil au début. C'est lent. Valait mieux pas. Ouais, oh, il est tout à l'honneur, c'était tout pour lui. Ouais, c'est tout pour lui, son peuple. En gros, il est l'enfant du pays, il est là. C'est tout pour lui. Il arrive, il vient représenter. Vive. Bonjour à tout le monde, vive à lui, vive à là. Voilà, l'album est sorti hier, il est d'ailleurs. Voilà, du grand Vichel. Fumbuni, waouh. Fumbuni, à l'instant, c'est le morceau qui ouvre justement l'album d'Alonso avec nous entre 20 et 21. Alors tu disais qu'il te faut un petit peu de temps. On dirait qu'on peut en passer deux. Ouais, on peut en passer deux. On a dit qu'on allait mettre l'accent sur l'album ce soir et passer beaucoup de morceaux. Moi j'ai envie d'enchaîner avec en boucle. En boucle, hein. En boucle. Non, mais écoutez, en boucle, il dure 1 minute 50. Ah ben, franchement, 50, ça veut dire que je le veux deux fois. Minimum. Minimum. Alors il faut qu'on le file à chaque fois, tu ambiances entre. Est-ce que le public est là? Ils veulent écouter en boucle. C'est ça même. Est-ce qu'à la fin du morceau tu peux ambiancer avant qu'on le remette, tu vois, mais, parce que, mais voyons, t'inquiète même pas. Tu fais le pull-up et tout. Tu fais le pull-up, tu vois. Voilà. Envoie ça, papa. Tu veux. Hey. Aïe, gangsta hustle. Joyeux anniversaire à mon gars. Hey, dans le bar. C'est même plus nouveau, maman. C'est même plus nouveau. Arme à feu, quartier dangereux, gros terrain de bœuf, y'a les guetteux. Quand la daronne passe, on est honteux. Quand les civils chopent rien, on est chanceux. Le soleil tape fort, on est nerveux. Quand tes potos sont mariés, on est heureux. Tous ces rageux, c'est des fils d'eux. Si je meurs, Kylian s'occupera d'eux. Des millions de vues, j'ai mis le rap en feu. Ils y croyaient pas, ils me voyaient en Ligue 2. Pourtant tous, ils m'écoutent depuis petit peu. Regarde-moi dans les yeux, y'a la cité de Dieu. Course poursuite, pilote à la mimette. Côté passager, t'es collé à la puits-tête. Au volant les palettes, je suis en buvette. Dédicace au main guette, big up à Vinny. C'est la rue à mon père, je me gare où je veux. Un café, deux cafés, trois vitelles fraises. La serveuse est à tout le monde, c'est pas mieux. Ah oui, média, allons, on fait quelque chose. J'ai des bâtiments, des promettes, ils veulent que j'explose. Selon la dose, je te laisse pas le 22. Quand ils ont dit de fumer le micro, je suis 22. Allons, vénère, plante dans vénère. Nique ta mère, je suis pas un fouteux. Tu pigeonnes qui, toi tu pigeonnes quoi? Tu n'auras pas ton flèche, t'as un passé douteux. R1000 sur Bikini la terre. On attire l'œil, on attire le danger. Tu me suis, je pars en tête à queue. C'est le ghetto, ouais c'est le ghetto. J'parle que de kilo, j'suis pas un entero. PEP mécano avant le disque de Roro. Grosse couille de taureau, gravier des euros. Y'a plus de tête à tête, une casquette, dos sur la gâchette. Et tu rejoins les yeux. Règlement de compte, c'est le nom de l'album. Tu m'as donné le gore, j'ai fumé le rap jeu. Léon Javoura, comme toi ou fou. Si tu veux, je t'en ramène deux. Prévais ton équipe, l'album est déjà sorti. Je finis la mixtape, je vous la sors en 2-2. Donc, à bon! Le monstre, on va le mettre en boucle ce soir à Skyrock. Renvoie ça. On va le passer en boucle à Skyrock ce soir. RDC. Les gens sont là ce soir. On est en boucle. Le morceau s'appelle En boucle. L'album s'appelle RDC. Le man s'appelle Alonso. Les MZ sont là ce soir. Skyrock, que du monde ce soir ou pas? On est honteux. Quand les civils chopent rien, on est chanceux. Le soleil tape fort, on est nerveux. Quand tes potos sont mariés, on est heureux. Tous ces rageux, c'est des fils d'eux. Si je meurs, Kylian, c'est pas d'eux. Des millions de vues, j'ai mis le rap en feu. Ils y croyaient pas, ils me voyaient en Ligue 2. Pourtant tous, ils m'écoutent de petit peu. Regarde-moi dans les yeux, y'a la cité de Dieu. Course poursuite, pilote à la mimette. Côté passager, t'es collé à la puits-tête. Au volant les palettes, je suis en buvette. Dédicace au main guette, big up à Vinicius. À cet endroit. C'est la rue à mon père, je me gare où je veux. Deux cafés, trois vitelles fraises, la serveuse est à tout le monde. C'est pas mieux. Halloween média, allons, on fait quelque chose. J'ai des appels, des bombettes, ils veulent que j'explose. Selon la dose, je te laisse pas le 22. Quand ils ont dit de fumer le micro, je suis 22. Allons, vénère, plein d'en vénère. Nique ta mère, je suis pas un fouteux. Tu pigeonnes qui, toi tu pigeonnes quoi? Tu n'auras pas ton hlel, t'as un passé douteux. R1000 sur béquille latérale. On attire l'œil, on attire le dajjal. MARSEI2LE, tu me suis, je pars en tête à queue. C'est le ghetto, je parle que de kilo, je suis pas un entero. PEP mécano avant le disque de Roro. Si tu veux, je t'en ramène deux. Prévais ton équipe, l'album est déjà sorti. Je finis la mixtape, je vous la sors en 2-2. On va le mettre en boucle ce morceau. On le met en boucle. L'album s'appelle RDC. Hey, le man s'appelle Alonso. L'album est dans les bacs. Le man est dans son sac. Souleyman beat. Comment rien nouveau. Arme à feu, quartier dangereux, gros terrain de bœuf, y'a les guetteux. Quand la daronne passe. classe, on est honteux. Quand les civils chopent rien, on est chanceux. Le soleil tape fort, on est nerveux. Quand tes potos sont mariés, on est heureux. Tous ces rageux, c'est des fils d'eux. Si je meurs, Kylian s'occupera d'eux. Des millions de vues, j'ai mis le rap en feu. Ils y croyaient pas, ils me voyaient en Ligue 2. Pourtant tous, ils m'écoutent depuis petit peu. Regarde-moi dans les yeux, y'a la cité de Dieu. Course poursuite, pilote à la mimette. Côté passager, t'es collé à la puitette. Au volant les palettes, je suis en buvette. Dédicace au Menguet, Big Up à Vinicieux. À cet Antoine, à cet Antoine. C'est la rue à mon père, je me garde où je veux. Un café, deux cafés, trois vitelles fraises. La cerveuse est à tout le monde, c'est pas le mielleux. À la Wii me dit Alonso, fais quelque chose. J'ai des appels, des beaux mecs, ils veulent que j'explose. Selon la dose, je te laisse pas le 22. Quand ils ont dit de fumer le micro, je suis 22. Alonso vénère, plein d'eau vénère. Nique ta mère, je suis pas un fouteux. Tu pigeonnes qui, toi tu pigeonnes quoi. Tu n'auras pas ton hlel, t'as un passé douteux. RR1000 sur béquille latérale. On attire l'œil, on attire le dajjal. M-A-R-S-E-I-2-L-E. Tu me suis, je parle de ta gueule. C'est le ghetto, ouais c'est le ghetto. J'parle que de kilo, j'suis pas un entero. PEP mécano avant le disque de Roro. Grosse couille de taureau, claque vite les euros. Y'a plus de tête à tête, une casquette. Ton dos sur la gâchette et tu rejoins les yeux. Règlement de compte, c'est le nom de l'album. Tu m'as donné le gros, j'ai fumé le rap, je Founa, Gamcho, Rufu, Majawa, Tataya, Majini, Yadou. Haraka, haraka, haraka, haraka. Je rappe dans ce pays, j'ai une vie. Sors de perme, sors ton sperme. Tes putes, si tu veux, j't'en ramène deux. Prévais ton équipe, l'album est déjà sorti. Je finis la mixtape, fous la sort en deux, deux. Mais il faut plus de bruit. Et pile poil à la fin du morceau de cette troisième diffusion, nous apprenons que la France va en finale rencontrer le Qatar au hand. Ils viennent de se qualifier pour la finale. Donc voilà. C'est bon, ils vont gagner. C'est bon, ils vont gagner. Aïe. Ils vont gagner. C'est bon, ils vont gagner. Voilà pour tous ceux qui suivent le hand. C'est dimanche soir 20h d'Algérie. Voilà, on le sait. Dimanche, on est ensemble. Ça se sent pour la CAN. On est ensemble. On est ensemble. Là pour le hand. La France vient de se qualifier donc face au Qatar pour ceux qui suivent le hand. Et avant de se quitter à Londres, avant de se quitter, je crois que tu voulais qu'on passe un morceau important de cet album. Ouais, je sais pas, il n'y a pas la Sky Roulette habituellement. Bah si, mais après. Okay, d'accord. Là on finit avec ce morceau. Bon, on va finir avec un morceau calme, hein. Je vais rabaisser un peu la température. La température qui est bien chaude dans le studio ce soir. Ouais, qui est bien chaude, mais on a besoin de dire des choses quand même. On a besoin de se livrer. Il y a un morceau qui s'appelle Il le fallait que j'aime beaucoup. C'est voilà. Le morceau que j'ai entendu celui-là. C'est le c'est le premier que j'ai enregistré. C'est la 15. Donc prenez-vous ça, que ce soit dans les voitures, chez vous, au calme, comme vous voulez. Voilà, il le fallait. Règlement de compte, il le fallait. Je t'ai quitté, il le fallait. Xavier, dédicace à toi mon frérot. Je t'ai quitté, il le fallait. Ma vie est long fleuve où je fais ricocher mes erreurs. Caillot de sang ricoche dans le cerveau, c'est la tumeur. Je ne marche pas sur la lune mais sur iTunes et Deezer. Reconnu mais pas pour les mêmes raisons que Bieber. Grand Daniel a connu Jack au Tennessee. Je rentrais le soir avec le plein dans la vessie. Regard vide, j'affrontais les rides de la mama. L'ange de gauche me disait no stress, no drama. J'ai quitté les bars, j'ai quitté les bagarres. Et j'ai fui la bague et j'ai fui le mitard. J'ai quitté les murs, j'ai quitté la drogue dure. Et j'ai fui la cure et j'ai fui la rupture. Tellement blessé, tellement oppressé. Je me vois condamné, j'en oublie de rire, j'en oublie de vivre. Tellement je suis pressé, j'ai grandi au milieu de Ramada. Terka, Sandra, Georges, Josepha, Rimka, je te jure que ça fonge. Je t'ai quitté, il le fallait. Oh, oh, oh. Tu m'as blessé mais pas tué. Oh, oh, oh. Il fallait que j'avance. Pense, pense, pense, pense, pense, pense. Il fallait que j'avance. Pense, pense, pense, pense, pense, pense. Tout le monde en perd, tout le monde en gagne. Je me stabilise. Garçon a les yeux en flamme, je le mobilise. Et j'ai fait mon nid dans le ghetto drame. Je le réalise et je suis à temps. Faire ma valise, me poser au calme. Je connais les armes, j'ai mon âme à purifier, J-E-S-U-S crucifié. C'est pas Adam qui a croqué dans la pomme du Macintosh. C'est pas mes frères qui ont survécu à la Kalachnikov. Donc j'ai quitté les hackers, j'ai quitté les traîtres. Et j'ai fui les histoires et j'ai fui les dettes. J'ai quitté les mythos, j'ai quitté les jaloux. J'ai fui des potos et j'ai fui des zincours. On mélange le cul, on mélange l'amour, on mélange l'amitié. Je veux pas tout perdre, j'ai des perles que je voudrais cacher. J'ai grandi au milieu d'Ibrahima, Fana, Zora, Claude, Mustapha, Emma. Je n'ai pas de corde. Je t'ai quitté, il le fallait. Pas de corde. Oh, oh, oh. tué. Oh, oh, oh. Il fallait que j'avance, pense, pense, pense, pense, pense, pense. Il fallait que j'avance, pense, pense, pense, pense, pense, pense. À la famille Kennedy, grosse dédicace à mes cousins Ramon, William, Bizi, Adams, grosse dédicace à Sultan, Zaka et Chouki, Stéphane, à mes frangins Jijin, Khalil, Abba, mes sœurettes, la daronne Kennedy. Alonso, règlement de compte dans les bacs. Merci pour cette belle semaine, en tout cas, Alonso. Merci au psychiatre d'être passé. Et avant de quitter, bien sûr, le meilleur pour la fin. Oui, je crois que là, il y a une liste devant toi, Alonso. Wow. Ouais, il y a une liste devant moi. Elle n'est pas si longue que ça. Non, mais une petite liste. Donc, je te laisse donner le mot de la fin et les dédicaces de la fin. Mais déjà, je vais faire une grosse dédicace au Comorien le plus fort du monde. Il est à nos côtés. Il s'appelle Monsieur Sid. Voilà. Jeune Cops sur Instagram, Sid 2054. Donc grosse dédicace à Sid. Il y a aussi Sopra quand tu veux. Ouais, Sopra, wow. Il a défié Sid. Wow. Mais je sais pas pourquoi il veut pas. Allez voir comment il est Sid et ouais, voilà, c'est ça. Et voyez comment il Sopra. Voilà, on est là. Sopra, on est là. Grosse dédicace aussi à Guest, la Guestapo, au Select. Au Select. Ce soir, on va foutre le feu à ma vie, ma Lyon. Merci beaucoup pour tout. À Toto Nouveau, à Ovanes, Nadir, à Black. Ça, c'est les mecs de la Castellane et du Plan Dao, bien sûr. Pomp Funegas qui sont avec nous. Deb Jam, Only Pro, à Mamadja du 13-14e. Voilà, les Cèdes, les Cyprès, les Lauriers, Souleymane, le Frangin, il a Salon, Yo-Yo, Driss de la Capelette. Voilà, à Tony Mars aussi qui est là, le poteau. Il y a le projet aussi de Rim KB avec Alpi. Voilà, ils ont sorti un remix, je crois. Bitch don't talk about me. Je parle pas trop anglais. Mais ça va. C'est des mecs de la Courneuve. Voilà. Rim KB, ils sont là. Ils m'ont très bien accueilli chez eux. À Hess, le rugbyman aussi. Grosse dédicace à tous ceux qui ont écouté ce Planet Rap. Les frangins, merci beaucoup. La cité des 4 queues. Tous les gens qui sont déplacés du Plan Dao, de Marseille. Voilà. Saint-Antoine à Castellane. Gracias. Merci Alonso. Merci Sopra aussi qu'on retrouve en tournée. Skyrock là, à partir voilà. De mars février. Tournée, ben ils sont. Il y a Vince qui passe. Vince, il fait des tournées avec moi et avec Alonso. Et demain, il est à Brest. Il tourne et il fait des tournées avec Carlton. Au club le 29. Un voilà. Peu partout, monsieur Carlton. En fait. Voilà, tout voilà. Ça, c'est la même équipe. Voilà, il l'a précisé depuis le début. Nous, on est ensemble depuis qu'on est petit. On est ensemble jusqu'à la. Sous cimetière et même après, Inch'Allah. Donc, ne vous posez voilà. Pas de questions. Et comment ça s'appelle? Je voulais faire une. Tu vas parler, tu vas parler. Et comment ça s'appelle? Il y a un truc aussi important. Voilà, je voulais faire une dédicace à monsieur Papou. Parce que tout le temps, il m'a envoyé un message, il m'a envoyé plein de trucs. Jamali m'a dit, Jalon, tu fais dédicace. Ben voilà. Oui, il y a Malik aussi. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être passé. Medji Chicha aussi qui est là, le poteau. Voilà. Medji Chicha qui est là. Je fais une grosse dédicace, voilà, à Karim le Qatari, le spécial, voilà. La Courneuve, il a fait toutes les dédicaces. Au Ghost. Voilà, Sakina qui écoute. À tous mes gars. Ninou, juste avant de se quitter, avant d'autres idées, on fait tourner la roulette, c'est parti. Ah, c'est obligé ça? Eh oui, toute la France. Mais il n'y a plus mes places. Et place pour Black. Elle est où, l'Esca? Elle est où, l'Esca? Marina de Triel. Allô, Marina. Allô. Ça va bien, Marina? Ça va super, merci à vous. Bienvenue dans ce dernier Planet Rap d'Alonso. Tu es prête à faire tourner, on y va? Ouais, prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur... Et ben voilà, sur l'Olympia de Black M, ça y est, c'est fait, deux places. Au mois d'avril, 21-22 avril, il y a deux places pour toi. Super, merci, un bisou, passez une bonne soirée. Merci Marina, ouais. Merci vraiment à vous tous. Merci à Lons. Merci à toi. Et bonne merci chance beaucoup. Et longue vie à règlement de compte qui est back depuis lundi. C'est ça. Merci Nana, il est numéro 1, il faut que numéro ça reste. Il est là tout l'été, faites péter ça. Le week-end, faites péter ça. Partout, faites péter ça. On y va. Merci à vous. Merci à Full. Et là, normalement, obligé, dis Full, je te prends 30 secondes pour Esteban. Esteban qui va sortir un projet bientôt. Yes. NIC et Miaos. Voilà, il y a MOH aussi. Il y a beaucoup de groupes à Marseille. Puissance Nord. Tous les groupes de Marseille. Mon quartier. Le plan d'Ao qui me donne la force. Tous les jours. Le Gouzon. Même si je les vois pas trop parce que je travaille beaucoup. Dédicace à, voilà, à tous nos mères, à tous nos parents. Merci à tous, la famille. Merci à vous tous, dit Full, et là normalement il est arrivé en pleine forme. Et, oui, et merci parce qu'avec vous on prend aussi des cours d'anglais. C'est difficile pour moi. J'ai déjà du mal à parler français, alors anglais, t'imagines pas. Ah, ça vous arrive aussi à vous, hein, pareil. Ah, nous on l'a vu à New York en train de parler anglais, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui est pas ça? Sopra vient d'accuser le frangin Alonso. Voilà, voilà. Mais alors que. Quoi, alors que Soprano est un anglais. Tu crois que je te boycotte? Mais je crois quoi? Soprano. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Soprano sur Venice Beach. D'accord? À Los Angeles. LA. À LA. Pendant, juste avant de faire le featuring avec Nate Dogg. Soprano, ce fada, il était en train de rapper un couplet de Tupac. Donc chez lui, devant des Américains. En yaourt. En yaourt. En Californie, on est California man. Tout le monde le regardait comme un fou. Comme un fou. Il vient peut-être un nouveau comique. Voilà. Un dossier. Attends. Eh oui, non. Mais ils ont trop de dossiers. Je peux pas. Dédicace à Abiswan aussi. Abiswan. Merci à vous tous. Hamza, cette semaine. Salim. Et là, on va retrouver la radio libre. Et ouais, c'est parti. Fredo, semaine prochaine dans Planète Rap. On va venir. Les Blacko qui débarquent. On va venir. Blacko qui débarque. Blacko, yes. Et Raz, Canchis. Et puis tout à l'heure, la nocturne de Planète Rap. Voilà, avec un vrai qui s'appelle Brave qui débarque. Ah, super disque, une dédicace. Et du Alonso aussi. Bravo. Et du Alonso. Nana, va dodo. Et du Alonso à outrance. Hein. Écoute, c'est simple. Alonso, au Ghost, il passe 8 passages jour. Voilà. 8. Voilà. Il passe en bombe. Au Ghost, il passe en bombe. Normalement, Skyrock, c'est 12 passages. Normalement, Skyrock, il passe. Les mecs. On ne loupera pas tout à l'heure, juste après toi. Allez, ça va. On en retrouvera ce soir dans l'émission. Merci, merci à vous les mecs. Ciao. Et merci pour les bonnes vidéos. Et puis venez nous voir. Venez. Ouais. On arrive. Ciao. Salut Fred, à tout à l'heure. À tout. À ce soir au Select. Et nous on arrive avec toute l'équipe. Marc Ronson, Bruno Mars, les psychiatres, Falafolie ce soir. Et c'est ça. Carton, demain, 29. C'est parti pour la radio libre. Ciao. Premier sur le cash. 1500 euros.